بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمطر أن لا فيه غزة بغى المؤمن، أما الكافر أبدا. والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhikr et de ta'b. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أي الوسائل المفيدة كومو أو لموين بنفك للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه صاحب التفسير. رسالة نافعة على مختصرة عبارة عن فوائد دي بوان كيسيب وابغون فيغوز التوكل التوحيد العقيدة الصحيحة لا آخره. يتعلمون أن مباليغ لمقدمة الشيخ سعدي رحمة الله عليه أن البيت دو شاكا سيدابغون فيغوز المسلم يبون فيغوز في الدنيا وفي الآخرة، أما الكافر المجرب يبانس كالدنيا. لكن في الدنيا لي يوصي بين في يغوز لا أحد يبغى يسفر دمال أبدا عاقل يبغى pas faire de mal، يبغى pas faire de mal à ses enfants، يبغى pas faire de mal à ses proches، يبغى avoir une vie sans problème. لكن هذا ça a des causes. تعلمون أن chaque chose a des causes. الشيخ سعدي رحمة الله عليه الآن cette مسألة مهمة. Avoir une vie heureuse il va te montrer les أسباب، أسباب شرعية، des causes qui sont citées في القرآن وفي السنة. Inch'Allah, le muslim, s'il s'accroche à ses causes, il aura une vie heureuse dans la dunya et dans l'akhira. Haqiqa, ce genre de rasail, c'est min ahamma yakoun. Khassatan dans ce zaman de fitan. Kam min al-nas, ils sont fi qalaq, ils sont fi dhiq, ils ont des choubah. Ba'd al-nas, min al-muslimin, wal-iyadu billah, ils désespèrent. Ils ont su'udhan. Ba'd al-nas, ils ont des wasawis, ils pensent que tout le monde lui en veut. Ils pensent des choses, ils se font du mal, faqat. Il aurait étudié ce genre de rasail et il approfondit ses études dans l'aqida, dans le tawhid. C'est yartah. Tout ce qu'on va voir, c'est lié au cœur. Si ton cœur est murtah, tu vas retah. Si ton cœur est malade, il y a des choubah, qalaq, dhiq, tu te feras du mal. Walaou, t'as de l'argent, walaou, t'as du temps, walaou, ça te t'aime. Al-an, cette risala, dans l'aqida, الشيخ سعدي رحمة الله عليه va te montrer comment nettoyer ce cœur, comment préserver ce cœur. comme un hafid ala hada al-qalb. C'est ça le but de cette risala. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال في المقدمة ما الشيخ سعدي المعروف يعني معروف جدا من علماء المملكة العربية السعودية إذا ما أغيها كالكزاني رحمة الله عليه سأل الشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله فسأل إمام إمام في السنة رحمة الله عليه et parmi ses ouvrages les plus connus التفسير il est نافع جدا c'est un تفسير مختصر et pour les débutants il est نافع جدا. Et cette risala, elle fait partie de ses ouvrages. قال رحمة الله عليه الحمد لله الذي له الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن راحة القلوب أو راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. هي commence par هذا. Il te cite l'un, pourquoi il écrit cette risala. Pourquoi il écrit cette risala? فَإِنَّ رَاحَةَ الْقَلْبِ رَاحَ مَعْرُوفِ Il a la quiétude, la tranquillité. وَسُرُورَ السُرُور c'est le contraire de l'huzn. Surur c'est être heureux. وَزَوَالَ هُمُومِ الْهُمُوم c'est les problèmes. وَغُمُومِ ça ressemble. Problème, les machaques, les dhiq. الآن chaque insan, il recherche le bonheur et il veut s'écarter des problèmes, des malheurs. قَالَ هُوَ الْمَطْلَبْ لِكُلِّ أَحَدْ قَالَ وَبِهِ تَحْصُلَ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةِ نعم حياة طيبة sans problème avec الراحة لكن نوم بابو أغنى الشيخ سعدي va expliquer c'est quoi الراحة. الراحة c'est l'Iman, c'est التوحيد, c'est الذكر. C'est pas الراحة شهوات شهوات الدنيوية l'argent. لا, c'est pas ça أبدا. Un ouais, il va montrer, et c'est pour ça que la risala est navée, il va montrer c'est quoi une vie heureuse. Kedalik. Ba'dannas, ils ont une image d'une vie heureuse. Fil haqiqa, c'est un ta'b et un dhiq. Il veut manger, dormir et avoir de l'argent. Faqat. Là, c'est pas ça la vie heureuse. La vie heureuse, c'est awwalan, comme ça y a-t-il, c'est que t'appliques pourquoi, le pourquoi que Allah subhanahu wa ta'ala est à créer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si t'appliques hada, bi'idnillah, t'es heureux. Amma wahid. Le but de sa création, c'est qu'il adore Allah. Il n'adore pas Allah. Là, c'est un chaki, c'est dunya ou l'akhir. قال وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. Trois genres d'asbab. Dinia, pour avoir cette vie heureuse. L'ibtihaj, tu peux traduire par s'épanouir. La tranquillité, la quiétude. Il y a des asbab diniya. On va voir, il y a des causes religieuses. La plus grande cause, c'est l'aqidah sahiha, tawhid, l'iman. Kadalik, il y a des asbab tabi'iya. Aïe, des choses tabi'i pour être heureux. Il va en citer. Qal wa amaliya. Kadalik, il y a des a'mal. Kadhikr. Al-amal salih. Ce que tu aimes bien pour toi, tu l'aimes pour ton frère musulman. Tuhsin ila al-khalq. Tout ça, tu vas voir, c'est des asbab, inshallah, tu auras une vie heureuse. قال ولا يمكن اجتماعها كلها الا للمؤمنين. نعم الشيخ سعد الان يتمنى ان لا في غرس pour le mu'min. اما الكافر ابدا والله اللي في ضيق وفي ضنك كما قال عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. Celui qui s'écarte du dhikr et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'b. Alors قال الشيخ سعدي الا للمؤمنين فلا تغترخ الكريم بالكافرين. Ne crois pas qu'ils sont heureux avec al-amwal wal-awlad, les maisons qu'ils ont, la sa'a qu'ils ont fait, le risque ad-dunyawi, wallah ils sont fi ta'b. Wa al-'adab al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Lakin anta tu dois bien savoir anna être heureux l'un, ça va obligatoirement avec l'iman, le din, l'islam. Celui qui n'a pas ce sebeb azim, il ne sera pas heureux. Même s'il te fait croire. Comme min al-kafirin, comme ta'alamoun, ils ont argent, femme, enfant, ils ne tombent pas malades. Tu le vois en apparence, il est fi ni'ma. T'entends du jour au lendemain, il s'est suicidé. Alors il est dhiq. Shaitan, yal'ab ma'ah. Shaitan, les problèmes. Wallahi, ba'doum, ils ont un mois, ils ont tout ce qu'il faut. Il n'arrive pas à dormir. Là, il lui manque cette chose, l'iman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Ce kafir, c'est un bachar. C'est un être humain. C'est un khalq min makhlouqatillah azza wa jal. s'il n'applique pas هذا, et cette cause pour être heureux, il ne sera jamais heureux. أبداً. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. الضنك c'est الضيق, c'est التعب. تأمل قول الله عز وجل, il a dit وَمَنْ مَنْ سَمِنْ أَلْفَضْ الْعُمُومِ. Quiconque il s'écarte de Dieu, il aura une vie malheureuse, qui qu'il soit. قال وَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ فَإِنَّهَا وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُمْ مِنْ وَجْهِ وَسَبَبْ يُجَاهِدْ عُقَلَاؤُهُمْ عَلَيْهِ. نعم. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه. أي يتمونتر même si dans certains points en apparence ce kafir عقلاؤهم عقلاؤهم certains d'entre eux ils font tout pour être heureux, là chaque, et en tas tu vois dans certains points il a l'air heureux, femme, enfant, il a de l'argent, tu le vois, il a le sourire. قال ولو هذا قال فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. Même si dans certains points, maintenant niveau santé, niveau femme, niveau enfant, il a une maison, même tu le vois, il s'en est sorti dans ces points, ça ne sera jamais comme le mu'min. Et fait l'haqiqa, c'est une chose temporaire. قل متاع الدنيا قليل. Haqiqa, c'est une chose temporaire. Là où il est heureux une heure, tu trouveras il est malheureux pendant des heures. Il est heureux une semaine, des mois, yatab. Il est heureux au départ de sa vie, ثم il est في الضيق ما على الكفر ولو تقدر إلى أغو في الدنيا في الآخرة يسرع على إلى في النار سيما على الكفر إلى في النار. قال ولكني سأذكر برسالة هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى. الآن il va citer les causes pour avoir une vie heureuse. قال الذي يسعى له كل أحد. الحقيقة il a choisi un thème طيب جدا, ce thème الآن. لأن chaque personne, kafir ou mu'min, il espère avoir une vie heureuse. Le Cheikh Saadi a réfléchi et il s'est dit, rahmatullah alayhi, je veux rassembler dans une risala les causes. لأن tout le monde veut cette chose, être heureux. Je veux rassembler dans une risala les causes. Celui qui veut une vie heureuse, il applique ses causes. Haqiqa, c'est un thème tayyib. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a traité ce thème dans on avait, la kalima qu'on avait fait, avec les causes pour avoir. Pour avoir rahat al-qalb, haqiqa ça ressemble à hada. Fal ulama ya'tanoun bi hada. Et fil Qur'an al-Karim, kalamullah azza wa jal, les versets, ils démontrent hada kathira. Sunnat al-Nabi sallam kadhali. Lakin Cheikh Sa'di al-An, il va te rassembler les adillah, il va te les expliquer avec un kalam sahl. Qala fa minhum man asaba kathiran minha fa'asha 'ishatan hani'ah. Na'am, wa hayya hayatan tayyibah. Wa minhum من أفق فيها كلها فغاض عيشه الشقاء وحي حياة التعساء. نعم وحي حياة التعساء أو التعساء ينظر الضبط حياة تعسة أي تعب تغصم له التعب. فستموت خلنا كذلك المؤمن شو بتخوفي دي مؤمنون ils ont un iman قوي ils ont du علم عمل صالح سنة إلى آخره il aura une vie heureuse جدا. Tu trouves certains à cause de leur péché, à cause de le bid'a, il se fera du mal par rapport à cet égarement. Ou hakada. Hatta le mu'minou ne sont pas au même niveau. Fa anta hris akhi d'être heureux fi dunya ou l'akhira, wa hris ala abdarajat al-ula. Essaye de faire des efforts, hatta t'es dans les hauts niveaux. Fi dunya t'es dans les hauts niveaux, fi l'ilm ou l'iman ou l'sarah, et fi l'akhira les abdarajat al-ula al-firdaus. Qala, wa minhum man huwa bayn. صحيح بعضهم الى تعلمون ان الايمان يزيد وينقص دي فوا تي اورو دي فوا تو تي في دو مال دي فوا المؤمن هكذا يجاهد نفسه سددوا وقاربوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الى هكذا ان جو اورو ان جو ربما تفي ان شوز لكن انت avec cette risala tu connaîtras les causes. Maintenant tu vas savoir que une chose qui rend heureuse c'est الطاعه تغليسي قدر الله وشاء فعل تفان دم فان ضيق. C'est une des causes, tu es plus heureux maintenant ce jour, cette semaine, ce mois. En fait, tu fais tawbah. Tu fais tawbah et tu reviens. Et Inch'Allah, Azzawajal, ton iman il remonte et tu es à la khir. Hakada al-mu'min. Qala bihasab ma wuffiqa lah. Wallahu al-muwaffiq wal-musta'an bihi ala kulli khayr wa ala daf'a kulli shar. Il finit cette muqaddima nafi'ah. C'est quelques lignes. Il te montre anna al-muwaffaq man wuffaqahu Allah. Celui qui aura une vie heureuse, c'est celui qu'Allah wuffaq. Ce qu'il va te citer là, c'est des asbab faqat. Asbab nafi'a. Les asbab sont fondés sur le kitab ou le sunnah. Lakin, min a'adam al-asbab. Tastafid l'an, c'est que tu reviens à Allah et tu fais le dua. C'est pour ça qu'il a fini le muqaddimah avec du'a. Wallahu al-muwaffiq wa al-musta'an. Aïe, tawfiq, ça vient d'Allah. Al-musta'an, aïe, tu demandes l'aide à Allah. Tu veux cette vie heureuse, demande à Allah. Parmi tes du'a, fi sujoud, fi qiyam al-layl, fi siyam, si tu as subi une injustice, tu demandes à Allah qu'il te donne une vie heureuse, fi dunya wal-akhira. On a que du'a, il y a un du'a. Allahumma atina fi dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة une vie heureuse وفي الآخرة حسنة une vie heureuse في الآخرة وقنا عذاب النار et préserve-nous de النار du feu. هذا سندعاء طيب الإنسان يكثر منه ويتوكل على الله et il sait que الأمور بيد الله له الخلق والأمر عز وجل et il étudie ses أسباب et c'est ça le jihad là. C'est ça, c'est un jihad azim. Tu jahid nafsak dans cette dunya pour avoir une vie heureuse par rapport à la sharia, par rapport au din. C'est ça l'an. لذلك فليتنافس المتنافسون. Il a cité, premier fasl, قال فصل أعظم الأسباب وأصلها وأسها. Ça vient de l'assas. وأسها. أعظم الأسباب وأصلها وأسها. الأصل والأس. أي الأصول والأساس. Le pluriel, c'est un mot qui se ressemble. قال هو الإيمان والعمل الصالح أعظم الأسباب أي la base de tous ces أسباب et le fondement de tous ces أسباب c'est الإيمان والعمل الصالح. Ça c'est l'explication de الشهادتين. الإيمان أي تؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته et العمل الصالح tu suis le prophète صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا سمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Celui qui veut une vie heureuse et haqqaq les deux shahadatayn, il aura une vie heureuse. Il va adorer Allah seul, Azza wa Jal, il aura iman billah qawi et il va suivre le prophète sallam amal salih. Qal wa a'zamu al-asbab lidhalika wa asluha wa usuha wal iman wal amal salih. Qal ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il a commencé par ce verset, c'est l'asl de هذا الباب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. Ça concerne tout le monde. Homme, femme, arabe, non arabe, noir, blanc. هذا, ça concerne tout le monde. Celui qui il applique هذا العمل الصالح. العمل الصالح. On a déjà expliqué pour qu'un amal soit accepté deux conditions. الإخلاص. إنما الأعمال بالنية. وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. دوزيام شرط المتابعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. كذلك حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبع عمل صالح. Il contredit سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن celui qui applique هذا العمل الصالح أي سام واحد أي سام سني قال عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. Il aura une vie طيبة. Une vie heureuse. ولنزينهم أجرهم حياة طيبة أي في الدنيا ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة. الآن ce verset te montre les causes pour être heureux في الدنيا وفي الأخرى. العمل الصالح. قال فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. نعم لأن قال من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن لابد من الإيمان لابد من الإيمان. أما الكافر ولو فعل عملا أبغض صالح. Maintenant, il aide un pauvre. Il donne à manger aux pauvres. Il aide un orphelin. Il construit un hôpital. Il creuse un puits. Tout c'est des amal salih en apparence. Ça lui est aucune faïda. Lianahu, c'est pas un mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la condition. Wa huwa mu'min. Cette condition. Ton amal salih, il a accepté. T'es pas un mu'min, l'amal, il n'est pas accepté. Abadan. Abadan fil akhira, ça lui sert à rien. Comme a dit Azza wa Jal, wa qadimna ila ma amilu min amalin. فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة طول عمل الكافر. Il a construit des hôpitaux, il a aidé des pauvres, il a été bien avec ses parents, il mentait pas, il avait un bon comportement. Tout ça فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى il lui accepte rien. هذا لماذا لأن il lui manque هذا وهو مؤمن un كافر. لئن أشركت لا يحبطن عملك. Son kufr, son shirk, il lui annule toutes ses œuvres. Voilà où il veut faire du khir. Il y a des kuffars, ils essayent de faire du khir en apparence. Kathir ben Ouf, l'haqiqa, ils veulent des masalih. Ils veulent se montrer, il a un gain, il construit un hôpital, c'est pour gagner. Lakin ba'duhum rubbama, il veut vraiment faire du khir. Lakin ma'oufiq, c'est un kafir, c'est un mushrik. قال وسبب ذلك واضح أو قبل ذلك فأخبر الله تعالى فأخبر تعالى وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار قوله فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا قال وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار قال ولنجزينهم أجرهم أي في الدنيا وفي الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون الله يتقبل في الدنيا يتفصلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي يوم القيامة كما قال عز وجل إن للمتقين مفازا فوز عظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الفوز العظيم في الجنة قال وسبب ذلك واضح الآن سيكون كوز السيدنا الجرس من عمل عملا صالحا سنكوز قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الأصل وهو مؤمن سسال لسبب عظيم لا فلاح إلا بالتوحيد لا فلاح إلا بالإيمان لا فوز إلا بالسنة والاتباع celui qui s'écarte de ces deux choses, l'amal salih wa l'iman, il est fi shaqawa. قال وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح هذا. Vous avez remarqué, il a précisé l'iman الصحيح. النصارى مثلا يفخطوا هذا. حتى الكفار الضلال قاتلهم الله يفخطوا أنهم ils ont une religion monothéiste comme toi. Ou ils s'appellent des croyants. Comme toi, tu es un croyant, on est des croyants. Là, قال فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح لا بد إيمان سواء إيمان صحيح أما الإيمان تكوى الله مثل النصارى النصارى يكوى الله ثم يديك الله إلى فس هذا سمجرم سمشرك لا بد إيمان بالله لا بد إيمان صحيح أي سغب صحيح إلا أن يؤمن أن محمدا رسول الله لا بد واحد يكوى الله يفي باتشر يكوى بروفيت محمد لا بد إيمان كذلك il doit croire aux malaïka, au livre, يوم القيامة, القدر. Quel est l'Iman ? C'est ça l'Iman الصحيح. L'Iman الصحيح, الآن, c'est les six fondements de l'Iman. L'Iman بالله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر. Celui qui renie un de ses rukns, il n'a pas d'Iman. C'est un kafir بالله. L'Iman, الآن, il a des fondements. L'Iman, c'est pas. بعض الكفار مثلا الآن, كأنهم يشوازيش ce qu'ils veulent. Il dit, vous êtes des croyants, on est des croyants, on est tous des croyants. حتى بعض الضلال, ils sont fait avoir, ils ont appelé à وحدة الأتيان. هذا. الإيمان, يا إيمان صحيح, يا إيمان باطل. فالنصارى واليهود, tout cela, c'est des كفرة. ولو ils prétendent, c'est des مؤمنين, c'est des croyants, ils ont une religion monothéiste, c'est des مشركين, c'est des كفار. قال وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله, الإيمان صحيح, avec ce شرط. قال المثمر للعمل الصالح. هذا المثمر سابين ذو الثمرة سو إيمان صحيح كفوندي سو أركان الإيمان ست إيفا تدوني دي فخوي ساسوغ العمل الصالح إكخوا الله عز وجل إكخوا الأسماء والصفات في اللي تخبغا إلغا سابير باشانجي إسيك الله إلو بوا إيفا سيكارتي دو حرام إسيك الله إلو نطن إيفا دير دي شوز طيبة إسيك يغضغا دي كونت الله يوم القيامة الإيمان بيوم القيامة إيفا سرمتر ان كوز إسيك Il y a des malaïka qui écrivent tout ce qu'il dit. Il fait attention. Il sait qu'il a un rasoul, il le suit. Il sait que tout est bil-qadr. Il lui arrive quelque chose, il patiente. C'est ça l'iman. C'est ça les fruits de l'iman. On les avait vus, walillah alhamd. Thamarat l'iman, dès qu'on faisait l'aqida. On avait fait marra l'iman billah wal malaïka. Ma nasif ayn, l'wastiya ou autre. Au rubba, sharh l'arba'in. Sharh l'arba'in, on avait cité hada kadali. On avait cité qu'il y a des thamarat, azimah. هذا سوء إيمان صحيح الآن إلى دفخي قال المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة الآن تسي سيكوا لكوز دنيا وآخرة ton cœur ta langue tes membres ton comportement c'est lié à cette عقيدة ça te montre l'importance d'étudier le معتقد الصحيح الآن تسي كيا عقيدة صحيحة c'est عقيدة السلف القرآن السنة على فهم السلف تسي كيا دي عقائد باطلة عقائد النصارى واليهود والروافض والجهمية أنت الآن tu dois faire attention tu vis dans un zaman de fitan بعض الإخوة صلى الله عليه وسلم الجميع مثلا يفي avec النصارى t'es pas l'abri t'es obligé de connaître la عقيدة tu dois connaître ta عقيدة et tu fais attention et tu fais tout pour t'écarter d'eux أو avec اليهود أو avec الروافض أو avec الجهمية أو tout cela t'es obligé de connaître ton dîme t'es obligé ربما tu, dans la rue tu vas te mélanger à tes gens ربما تجارة ربما كل واحد chaque personne il essaie d'appeler à son fikr Rafidi, il appelle à son fiqh. Le Jahmi, il appelle à son fiqh. Le Nasrani, il appelle à son fiqh. Tu dois faire attention, tu dois connaître ton dit. Hatta tu préserves ce cœur. La base pour être heureux, c'est ce cœur. Si tu ne fais pas attention, tu perds cette ni'ma. Sallallahu alayhi wa sallam. قال والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان صحيح تسميزان سكر الآن il doit être fondé sur ce معتقد الصحيح عقيدة السلف كما قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا c'est la même عقيدة que الرسل وأصحاب رسول الله وأئمة السنة c'est sa tariqa de l'hidaï et si tu es guidé بإذن الله tu seras heureux قال يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركاتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها نعم يتمتخ الآن أن هذه الشوز ست في يغوز على الكوز يعني الشماء أمخانتي سي تسوي الشماء t'appliques ces causes, mais là, par rapport à ton application, ton iman y montera. Plus ton iman y monte, plus t'es heureux. T'as cette vie de ce qu'elle a maintenant, ce cœur, il faut faire attention, dites. Mais à Balou, quand t'as ta maison, ton bait, tu fais tout pour qu'il n'y ait pas une chose, rairnafia qui rentre. Matalan, tu laisseras, tu feras tout pour que un animal dangereux ne rentre pas chez toi. Mais à Balou, qu'un animal dangereux rentre chez toi, toi t'es en danger, tes enfants ils sont en danger. T'es bien, Kadhalik, qui sont en danger. Aounar, Matalem. Tu feras tout pour pas qu'il y ait un feu chez toi. Le feu, il va rien laisser. Ou un virus, ou Hatta Kalam. Une personne qui parle mal, Arubama, tu ne le feras pas entrer chez toi. Tahar, ala ahlik, ala auladik, un safi. Ça, c'est Beit. C'est une maison. Ahad al-Qalb, c'est un Beit. Si tu ne fais pas attention à des choses qui font du mal, ils rentrent dans ce Qalb. Tu feras du mal à toi et à ton entourage et tu n'auras pas une vie heureuse. Il y a des choubahs, il y a des afkar, il y a des wasawis. Si tu ne fais pas attention, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il a comparé ce cœur à une éponge. Ibn Qayyim, il fait souvent à la monde des comparaisons. Dans un de ses livres, il compare le cœur à une éponge. Le cœur, il absorbe tout. Si tu ne fais pas attention, tu as une éponge, tu as un récipient propre. Tu as de l'eau propre. Tu mets cette éponge dans l'eau propre, l'éponge, elle va tout aspirer. Ah, ou tu mets cette éponge dans du miel, elle va aspirer l'éponge. Ah, ou dans du lait. Ah, ou... ah qu'est-ce que le cœur? S'il y a des choses taillées, il prend. Tu mets cette éponge dans de l'eau sale. Hein. Najasa. L'éponge, elle absorbe. Un liquide, elle absorbe. Elle ne fait pas de différence. Le cœur, c'est Hakada. Si tu ne fais pas attention, il absorbera. Fallait Adam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a démontré un. Al-ma'asi ou al-mukhalafat, ça met des points noirs dans le cœur. Ibn Qayyim, il a fait comparaison avec l'éponge. Là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, hatta ce cœur, il devient noir, il n'accepte plus rien. Il n'accepte plus, khalas, haq, il n'accepte plus. Il est noir, il est devenu qas, il est devenu dur. Il rejette le haq. Wassil. Amma un qalb qui est préservé, il est blanc. Il accepte le khayr et il s'écarte du char. Et ce cœur blanc, là, c'est la cause que tu es heureux. Le cœur blanc, t'auras une personne heureuse. Un cœur noir, t'auras une personne fi dhiq wa ta'ab. Assal Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat lil-jami' wa an yuwaffiqana li tahqiq hadhihi al-wasa'il innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayhi wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.